Voici votre butin régional pour le 17 décembre. Le 18 décembre à 16h, à East Angus, barrage routier à l'intersection rue Angus Nord et Saint-Pierre. On tient un marché de Noël le 20 décembre à l'hôtel de ville de Scotstown. À Saint-Isidore de Clifton, sur n'importe quel achat à la friperie, courez la chance de gagner un des trois paniers de Noël d'une valeur de $50 chacun. Le tirage aura lieu le 20 décembre.